10 nouvelles chansons dans History of Violence, Strangers. Et la chanson titre, c'est Nothing. Theory of a Dead Man, le nouvel album, c'est Nothing, disponible partout. Chères auditrices et auditeurs, vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, magazine sur les arts visuels à Québec, sur les ondes de CKRL 89.1. Myriam Leland à la barre de l'émission, en compagnie de ma douce co-animatrice Gentiane Lafrance. Bonsoir. Douce Myriam Leland. Ce soir, on a encore un beau programme tout en longueur. On se gâte, on jase beaucoup avec nos invités. Toi, tu reçois... Oui, on va commencer avec une entrevue avec Jacqueline Bouchard. Jacqueline Bouchard, c'est une artiste en art visuel, mais elle est également anthropologue et autrice. Ooh. Et elle vient de faire paraître une bande dessinée pour apprendre à dessiner. On est dans l'autoréférence. Oui, c'est ça. Mais c'est pas pour apprendre à dessiner la bande dessinée, c'est pour apprendre à dessiner sans complexe, comme le dit le titre. Donc, on a vraiment une foule de techniques. C'est comme un manuel, si on veut, pour apprendre à dessiner. Elle s'inspire des cours qu'elle donne et c'est comme si on suivait un cours. On entre dans l'histoire et on se fait donner plein de trucs. Et puis, j'ai bien hâte d'en parler avec elle. C'est également un ouvrage qui est auto-édité. Donc, on a hâte d'en savoir un peu plus. Et la deuxième partie de l'émission, c'est toi, Myriam, qui reçoit quelqu'un d'entrevue. Tout à fait. Je reçois Émilie Porakia, qui est la directrice des communications et du marketing chez Manif d'Art. Elle vient nous parler d'un projet pilote. En fait, c'est tout nouveau, tout frais. Ça s'appelle le Jardin d'hiver et c'est un parcours d'art public qui est vraiment axé sur l'intérêt des plus jeunes, mais sans laisser de côté le cœur d'enfant des adultes. J'ai bien hâte d'entendre qu'est-ce qu'elle a à nous dire à ce sujet-là. Moi, j'ai déjà vu une œuvre, là. J'ai vu l'œuvre en montage et puis, ça me semble évidemment de la très grande qualité. Oui, des bons artistes. Comme les événements de Manif d'art savent le faire. Alors, on va recevoir Émilie en deuxième partie, mais pour l'instant, c'est la proposition musicale de Simon Roy. C'est un projet musical qui s'appelle Monster Rally, qui est un projet de Ted Feigen, qui mélange beaucoup de choses exotiques dans sa musique. Donc, on a une petite ambiance jazz tropical. Oui, c'est très tropical. Ça nous fait oublier, si ça peut être oublié, l'hiver qui nous gèle un petit peu. On va essayer. Les articulations en ce moment. Donc, on va se laisser avec un premier extrait de cet album Adventures of the Floating Island, un extrait qui s'appelle Adventure. Alors, de retour à l'aérospatiale, nous avons avec nous en studio Jacqueline Bouchard. Bonsoir. Bonsoir, gentille. Jacqueline Bouchard, tu viens, il est tout chaud, là, tu viens de sortir un livre qui s'appelle « Dessine-moi un raisin ». C'est un hybride un peu entre la bande dessinée et le manuel pour apprendre à dessiner, en quelque sorte. C'est une BD pour apprendre à dessiner sans complexe. Mm-hmm. Et l'usage de l'histoire de la BD, c'est pour rendre ça plus convivial à cause des élèves, des petits personnages que sont les élèves, le personnage qui est le professeur et qui félicite ses élèves et les encourage et donne les conseils. Ce qui fait que quand on utilise le manuel, par exemple, pour comme guide, pour en faire soi-même, on se sent moins seul. On a tout ce petit monde-là autour de nous. Donc c'est un peu le cœur d'avoir cette idée très très originale, en fait, d'apprendre à dessiner par une BD. Et Jacqueline Bouchard, ça fait longtemps que vous enseignez le dessin? Ça fait une quinzaine d'années, ça m'est venu, le livre, l'idée de faire le livre m'est venue parce que depuis une dizaine d'années particulièrement, avec un groupe de personnes, On se rencontrait régulièrement et on a eu l'idée de faire un livre pour fêter ça. Et je me suis un petit peu ambitionnée. J'ai dit tant qu'à faire le livre avec leurs travaux, un peu. C'était d'ajouter mon enseignement, de sorte que le livre pourrait non seulement leur servir à elles, mais à quelqu'un qui voudrait l'utiliser et à moi-même aussi. Donc, quand on lit le livre, on entre un peu, en quelque sorte, dans un de tes cours de dessin type, si on veut? C'est pas chronologique, je l'ai diffusé par thématique, mais je dis que ce n'est pas chronologique. En fait, ça l'est un peu, mais l'idée, c'était de faire effectivement une évolution vers le dessin d'observation, vraiment d'observation, et de montrer comment le dessin d'observation conduit à instaure une assurance qui fait que, bon, on peut aller après dans l'interprétation, la création. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas dessiner si on n'a pas fait de dessin d'observation, mais je compare ça avec le solfège, un peu la musique. Tu sais, tu peux faire de la musique en autodidacte, à la limite composer et tout, mais à un moment donné, peut-être que tu vas te rendre compte qu'il te manque une base qui est le solfège. Mm-hmm. Et le dessin d'observation, c'est un peu l'équivalent. Mais oui, on dit c'est vrai, c'est un fait. Picasso avait une très grande formation académique là avant de passer à l'abstraction. Donc il y a quelque chose du passage obligé. Ça donne on peut toujours c'est le voir, l'habitude de voir le monde autrement et de pouvoir l'exprimer. C'est ça, le dessin d'observation nous entraîne à faire voir le monde autrement. C'est mon dada. C'est un peu le début puis le cœur aussi de ces explications qui nous viennent dans ce livre « Dessine-moi un raisin ». Mais Jacqueline Bouchard, j'aimerais ça que tu nous expliques d'où vient le titre. C'est un peu l'introduction de ce livre-là, « Dessine-moi un raisin ». Et bon, sur la couverture, on voit une grappe de raisin. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la base de... Alors, le raisin, ça vient de ce que j'appelle le syndrome de la grappe de raisin. Okay. Le syndrome de la grappe de raisin, c'est l'habitude que nous avons en tant que personne adulte, habituée à utiliser à notre esprit analytique. On est habitué de fonctionner dans la vie en classant les choses, en les nommant et tout. Et ce qui fait que, par exemple, on le voit au début de la BD, elle dit « Dessine-moi, si je te demande de me dessiner des raisins, qu'est-ce que tu vas faire? » Elle dit « Je vais dessiner une forme plus ou moins triangulaire avec des petites boules. » Ben c'est ça que, justement, c'est comme une image qu'on a dans la tête de ce qu'est une table une grappe de raisins. Oui. Alors, ça, c'est l'image qu'on a dans la tête. Et quand on dessine, quand on se remet à dessiner, adulte, on doit lutter avec les deux parties de notre cerveau, la partie spontanée qui ne reconnaît que les formes, qui voit les choses uniquement comme des formes, des proportions, des couleurs, avec l'autre partie du cerveau qui veut nommer les choses. Et c'est là que ça commence à aller mal. Parce que quand on veut nommer les choses, on les nomme telles qu'on les a appris dans avec les images qu'on a dans notre tête. Mm-hmm. Et on dessine plus ce qu'on a devant soi. On dessine, et c'est pour ça qu'on a de la difficulté avec la perspective. Oui. Parce que la perspective, c'est en fait, on dessine le monde tel qu'on le voit, mais tel qu'on le perçoit, mais le monde en réalité n'est pas tel qu'on le perçoit, parce qu'il est déformé par la perspective. Mm-hmm. Et c'est avec ça qu'on a de la misère quand on dessine adulte. Par exemple, si je veux dessiner une table, et tout le monde peut faire l'expérience de se mettre une table un peu, disons, rectangulaire. Vous mettez un bout de la table, vous baissez jusqu'à ce que vos yeux soient à peu près au niveau de la table. Vous allez voir que la surface de la table a considérablement diminué. Oui. C'est la perspective. Oui. Mais quand on arrive pour dessiner, souvent, on est porté à dessiner la table pleine longueur, telle qu'on la connaît. Parce qu'on le sait qu'elle existe. Oui. Même si on la voit pas. Parce que le cerveau lutte quand on arrive pour la dessiner. Il y a une partie du cerveau qui dit non, la table est plus longue. Il faut que tu la dessines plus longue. On va continuer cette belle conversation, Jacqueline Bouchard. On va prendre une petite pause musicale encore avec encore un extrait de Adventures on the Floating Island, la pièce Reef High. Et on poursuit cette belle conversation sur le livre Dessine-moi un raisin pour apprendre à dessiner sans complexe. toujours en entrevue avec Jacqueline Bouchard à l'aérospatiale. Donc, Jacqueline Bouchard, on parle de cette bande dessinée que tu as fait paraître. C'est Dessine-moi un raisin. Tu as auto-édité cette bande dessinée. Oui. Grâce à la plateforme de financement La Ruche. Oui. C'est vraiment sensationnel, cette plateforme-là. C'est très excitant de voir quand comment ça se déroule, quand les sous rentrent, mais c'est pas juste les sous, c'est les appuis aussi. Oui. Parce que c'est un moyen aussi de faire une prévente et de jauger un peu le marché. Ouais. De voir qui peut être intéressé à ça. Alors, c'est vraiment intéressant à tous les points de vue. Je conseille vraiment à toute personne. On m'avait dit, on m'avait dit à La Ruche, tu apprendras quelque chose, c'est sûr, même si tu n'atteins pas ton objectif. Mm-hmm. Et finalement, je l'ai dépassé, mais bravo. C'est vrai, oui. Merci, mais c'est vrai que même si je n'avais pas atteint mon objectif, j'aurais appris plein de choses à différents niveaux, au niveau de la gestion, au niveau de l'organisation, de la création. Pourtant, ça fait des années que je suis en création, mais là, c'est plus au niveau marketing oui, et tout. Oui, et... Donc, t'as dépassé ton objectif, puis on parle d'une campagne de sociofinancement, mais c'est aussi de l'amour qu'on récolte, c'est une communauté qu'on crée quand on fait une campagne de sociofinancement. C'est sûr. J'ai appris que j'avais des bons amis. Ça, c'est chaleureux de voir que les gens contribuent et aller parce que à La Ruche, quand on reçoit que les contributions rentrent, on sait pas avant la fin qui a contribué à quoi. On a juste les noms. Alors ouais. C'est une belle découverte à la fin de savoir telle personne et de découvrir qui. Ben il y a plein de gens qu'on connaît pas, on sait aussi, pas c'est qui. Ouais. Alors, mm-hmm. C'est super. Et bon, si on revient au contenu de cette bande dessinée, Dessine-moi un raisin. Donc, on parlait en première partie d'émission de cette différence entre la perception qu'on a du monde et l'idée visuelle qu'on a des objets qu'on veut dessiner. Mm-hmm. Tu développes différentes thématiques dans le livre pour un peu se libérer de ce carcan mental, visuel, de cette idée de table, de cette idée de raisin qu'on veut représenter. Oui, oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu des différentes thématiques que tu développes dans le livre qui nous permettent de vraiment suivre, si on veut, une certaine méthode pour se libérer de... Oui, oui, tout à fait. Ouais, de cette volonté de se plier à cette idée mentale. C'est une thérapie. Oui, la méditation. Oui, tout à fait. Lâcher prise sur ce qu'on croit qu'on doit faire, puis simplement... Exactement, c'est ce que je disais encore hier aux gens qui sont venus, là, qui avaient fait une contrepartie dans une des deux contreparties. Les gens avaient contribué pour recevoir une initiation au dessin, bref, mais et je reviens toujours là-dessus. Quand on s'absorbe, qu'on arrête de nommer les choses et quand on s'absorbe dans les formes, les couleurs, ça devient vraiment méditatif. Oui. C'est vraiment... Alors, je on est dans la table des matières, oui. Alors, on est dans la table des matières, pas la table à dessiner, mais la table des matières. Puis, je commence toujours par... nous sommes à la radio, alors je peux pas expliquer toutes les préambules. Bon, on monte les matériaux, on va y aller rapidement. Je commence toujours avec les volumes ronds et j'utilise toujours des objets neutres, anonymes, je dirais. Par exemple, pas d'étiquette, pas de couleur qu'on serait tenté justement de dessiner. Les volumes ronds, parce que ça nous introduit à la perspective, mais pas de façon trop brutale, parce que après, quand je tombe dans le chapitre qui est vraiment la perspective avec des points de fuite, oui, et des formes rectangulaires, carrées, à ce moment-là, il faut tenir compte vraiment davantage des points de fuite. Alors, on y va graduellement. Ensuite, on arrive dans le corps humain. Ça vient quand même vite, là. C'est pas facile, le corps humain. Oui, mais attendez, là, vous passez 3 ans dans la perspective. Non, c'est une plaisanterie. Bien, ça vient pas vite parce que le visage, c'est justement quand on arrête de nommer les choses. Mmh. Un visage, c'est comme une pomme ou une orange. Si moi, je c'est sûr que si on commence à penser qu'on va dessiner un œil, un nez, on a tout. Si je vous demande de dessiner un œil, vous allez me faire une amande sur avec un rond dans, oui, le milieu, oui, c'est ça. Alors, alors qu'on voit jamais l'iris au complet, mais non, l'œil est jamais une forme uniforme. Voilà, mm-hmm, voilà. Mm-hmm, alors, ça vient pas trop tôt parce que le corps humain, le visage, c'est comme un autre objet. Ça, ouais, doit être un autre objet. Ouais, voilà, ouais, comme un autre objet. Après, on étudie les ombres, les reflets, parce que les ombres, on peut pas les étudier tout de suite, les aborder tout de suite au début, avant de poser une ombre sur un objet ou sur l'environnement qui où est projetée l'ombre. Il faut savoir comment est fait l'objet. Si on n'est pas capable de saisir le volume de l'objet, on peut pas mettre une ombre, ouais, dessus. Mais je t'arrête, Jacqueline Bouchard, parce que il y a un élément qui fait pas partie de la table des matières, mais qui dans le contenu du livre, puis qui arrive quand même vite, c'est les espaces négatifs. Ah! Ça, c'est mon autre dada. Ça, c'est un peu la base de ton enseignement, oui, de dessin, oui, on dirait. Oui, ça, oui, revient. Les formes négatives, ce sont tous ces espaces que l'on voit entre les objets. Si, par exemple, j'ai une nature morte, des fruits sur une table. Oui. Mais les fruits, ils sont pas tous collés ensemble. Là. Il y a des espaces. Alors, on se sert, au lieu de dessiner uniquement l'objet, on se sert de l'espace qui est entre les objets, qui sert aussi à délimiter les objets. Le petit exemple très banal que je donne, c'est le zèbre. Oui. On peut commencer par faire un animal blanc puis faire des rayures noires, ou si on a un papier noir, on va faire des rayures blanches et l'animal va apparaître, c'est la même chose. C'est et ça, c'est une technique qui, bon, que ben moi j'ai vu avec cette technique de dessiner avec la partie gauche du cerveau, je me trompe tout le temps, la partie droite du droite. Cerveau, oui, droite, je me trompe tout le temps, mais c'est un peu ça, c'est d'oublier l'objet puis d'essayer de voir ce qu'il y a entre les objets. De s'abandonner, oui, ben enfin, c'est plus, ouais, voilà, de ouais, parce que si vous, ça revient, oui, à ce que tu dis, parce que si je rationalise, je vais pas dessiner les formes négatives, je les oublie, elles n'existent pas, elles sont pas importantes. On dessine un concept plutôt, ouais, qu'une, oui, observation. Voilà, ouais, exactement. Exactement. Ouais. C'est de la philosophie du dessin, finalement, ce livre-là. Oui. Tout à fait. C'est un peu comme si on voit, par exemple, un livre de poésie où la façon dont la mise en page est faite avec les mots, il y a des silences, il peut y avoir, oui, des silences, mm-hmm, entre les mots, oui, qui parlent et tout. C'est la même chose en dessin avec, ouais, les formes négatives. Si on peut... c'est vraiment... Il y a des endroits, des exemples où elles sont vraiment essentielles, où ça nous aide vraiment. Par exemple, à quelque part dans le livre, on voit quelqu'un a dessiné des souliers, des espadrilles avec des lacets. Oui. Alors, elle dit qu'elle, elle n'avait pas dessiné les lacets, elle avait juste dessiné les espaces entre les lacets. Tu sais, quand oui, l'espadrille est lacée. Oui. Alors, mais ben là, on n'a pas le temps de passer au travers de toute la table des matières, mais de toute façon, on ne peut pas non plus de voler toutes les punches, parce qu'il faut bien qu'il se vende, ce livre-là. Jacqueline Bouchard, où est-ce qu'on peut se le procurer? Oui, se le procurer, oui, tout à fait. Je veux dire aussi que c'est convivial pour les dessins. Oui. C'est sûr que c'est très important parce que c'est des travaux d'élèves très bons, d'autres un peu moins bons, et c'est pour ça que c'est pas trop virtuose. Alors, on peut se procurer... Ray le livre juste ici à côté de CKRL, à la galerie chez Alfred Pellant. On peut se le procurer chez Zone, à la librairie Pantoute sur la rue Saint-Joseph et à la librairie du quartier sur la rue Cartier. Et aussi un petit magasin d'art et qui s'appelle Madeleine. Vous devinez qu'elle vend de la laine. Oui, oui, oui, ça me dit quelque chose. C'est à Charlebourg. Oui. Oui. Oui. Donc, on peut se déplacer à Charlebourg, ben, si on habite à Charlebourg ou au centre-ville. Mais merci beaucoup, Jacqueline. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Jacqueline Bouchard, d'être venue nous parler de cette bande dessinée, Dessine-moi un raisin, pour apprendre à dessiner sans complexe. Et nous, on part en pause publicitaire. Le mardi 11 février, la Maison de la littérature accueille l'Impro-Conté, un tout nouveau concept ludique où le public donne des défis aux conteurs et aux conteuses. Pour la première soirée, sous le thème du bestiaire, Jacques Hébert et ses acolytes revisitent des contes peuplés d'animaux mystérieux. L'Impro-Conté, dès le 11 février, à la Maison de la littérature. Une coproduction des Amis imaginaires. CKRL 89.1. Prépare-toi, Québec. Cette année, le Mois Multi t'a concocté une édition spéciale. On te promet 5 jours de festivités intenses. Une dizaine de performances, des rencontres avec les artistes, un party sans relâche. Du 5 au 9 février, tu ne veux pas manquer ça. MoisMulti.org. Première ovation. Première ovation, un tremplin pour la relève culturelle de Québec et de Wendake. Du 14 au 19 février, le Festival déjanté de la musique alternative, le FOCOF, est de retour à Québec pour une 6e année consécutive. Plus d'une centaine d'artistes de la scène émergente et alternative seront en vitrine un peu partout dans les salles du centre-ville de Québec. Retrouvez notamment Valence, Des Sourcils, Fria Moera, Beat Sexu, Saviors, Pulsar Trio, David Sesum, Ariane Roy, Liana, Année le Tigre, Le Point Panda, Élégie et Dambrume. Encouragez la relève musicale de Québec et procurez-vous votre laissez-passer au fuckoff.com. Baby, baby, baby, ce mercredi 5 février, c'est le 3e anniversaire des Mercredis Live au district Saint-Joseph. Pour l'occasion, le Guillaume Méthode House Band vous propose une édition spéciale Motown avec Dominique Pelletier, Valérie Clio, Gabriel Schonk, Maud Brochu et Sam Wagner comme chanteur invité. Ça promet! Venez vous régaler des meilleurs classiques d'artistes tels que Marvin Gaye, Curtis Mayfield ou The Supremes. On se voit ce mercredi pour le 3e anniversaire des Mercredis Live au district Saint-Joseph. La culture du houblon est en plein essor au Québec. Tu aimerais en apprendre davantage sur la production des houblons québécois et sur les différentes variétés cultivées sur notre territoire? Ne manque pas la conférence « Les houblons québécois en 2020 » à la brasserie artisanale La Korrigane, samedi 22 février à compter de 16h. 6 bières en casque, houblonnées à froid avec 6 houblons différents à déguster. Les billets sont en vente via lepointdevente.com au coût de 20$. Faites vite, le nombre de places est limité. Brasserie artisanale La Korrigane, 380 rue Dorchester. Le 20 février prochain, rendez-vous au Grand Théâtre à l'occasion du spectacle Nikamu Mamuitoun, chanson rassembleuse. Soyez témoin de grandes rencontres autour de la créativité entre autochtones et allochtones lors de ce magnifique projet interculturel qui célèbre la chanson de manière tout inclusive. Avec entre autres Mathieu, Scott Pienne-Picard et Joël Saint-Pierre, voyez Nikamu Mamuitoun le 20 février au Grand Théâtre. Vous êtes de retour à l'Aérospatiale, magazine sur les arts visuels à Québec sur les ondes de CKRL 89.1. Toujours Myriam Leland à la barre de l'émission avec Gentilienne La France qu'on entendait plus tôt discuter avec Jacqueline Bouchard à propos de son tout nouveau guide, sa bande dessinée sur comment dessiner. En studio avec nous, on est gâtés. Ce soir, on a Émilie Porakia, directrice des communications et du marketing chez Manif d'art. Bonsoir, Émilie. Bonsoir. Merci d'être avec nous, de retour dans tes souliers de radio, ancienne chroniqueuse à l'aérospatiale. Effectivement, c'est toujours un plaisir d'être là avec vous. Donc, un petit retour aux sources qui me fait bien plaisir. Ça nous fait très plaisir à nous aussi, surtout que tu viens nous parler d'un très beau projet, tout nouveau, qui sort du four, tout frais. Exactement, c'est pas ce vendredi. Tout à fait. Exactement, il sort. Ça commence vendredi, en fait. C'est un tout nouveau projet qui est encore pas tout à fait sorti du four. Il y a encore des œuvres qui sont en cours d'installation. Ça sort du congélateur. Oui. du congélateur, effectivement. Puis ça a été un projet qui a été mené très rapidement, en fait. C'est arrivé sur les tables à dessin, je dirais, début décembre, juste avant les vacances de Noël. Donc ça a été fait. Oui, c'est ça. Ça a été fait vraiment de manière très rapide. On est très chanceux que les artistes aient dit oui rapidement, qu'ils aient embarqué dans le projet. Pierre et Marie qui ont même accepté une commande d'œuvre pour cette édition. Donc, une très belle sculpture qui va être à l'église Saint-Andrews. Et c'est vraiment inédit. C'est la première fois qu'ils le font, qu'ils l'ont fait pour nous. Donc, on est vraiment très heureux qu'ils aient accepté ce beau défi, cette folie. Folie que Manif d'art, de temps en temps, aime bien mettre dans la ville de Québec. Mais là, on fait des blagues de chaleur, de congélateur. On dit des noms d'artistes, des lieux, mais on n'a toujours pas dit ce que c'était. Ça s'appelle Jardin d'hiver. Exactement. D'où la petite blague de Gentilienne à propos du congélateur. Merci pour cette blague, Gentilienne. Ça me fait un grand plaisir. Puis en fait, c'est un parcours d'art public dans la ville de Québec, bien sûr, dans les quartiers historiques, si Exactement. Je me trompe pas. C'est dans le quartier du Vieux-Québec et le quartier du Vieux-Port. Oui, tu parlais de l'église Saint-Andrews. Donc, c'est des artistes de Québec, du Québec. Il y a des artistes de Québec, du Québec et Lei, qui est un artiste international. Exact, oui, c'est avec ça. Avec un film d'animation. Effectivement, les gens qui sont venus aux deux dernières biennales ont commencé à voir Manif d'art faire de l'art public dans le Vieux-Québec. La dernière édition était phénoménale. Je l'avais couverte pour une chronique ici. J'avais adoré ça. Donc, c'est ça. Donc, ceux qui sont habitués à nous suivre, ils vont nous retrouver dans le Vieux-Québec à des endroits, surtout la place Vieux-Ville, où on avait l'œuvre de Mary McMaster à l'époque. Oui. Là, ça va être Esté Préda et Mathieu Labrec qui vont être là. Puis, c'est ça. On se balade un petit peu, puis on descend jusqu'au Vieux-Port. Ça va jusqu'à la gare du Palais, en fait. Donc, on va vraiment assez loin. On couvre un beau territoire. Puis, c'est un projet pilote qu'on mène avec la Ville de Québec. Donc, première année Première année cette année. On croisé de voir que ça devienne de manière annuelle. Puis il y a quelque chose de spécial, en fait, parce que il y a eu l'édition de Manif d'art, si grand contre le ciel. Quel c'est un titre. Grand titre. Pendant qu'on le couvrait, on s'en rappelait, mais là, la mémoire fait défaut. Donc oui, c'est l'édition de Manif 9 qui a eu lieu l'hiver dernier. Exactement. Il y avait le parcours d'art public, comme tu le mentionnes. Mais ce parcours-là, il y a quelque chose de particulier. Il y a un public cible assez particulier. Il y a un public cible assez particulier, c'est les enfants et les familles. Oui. Avec Manif d'art, on fait toujours un peu référence à notre biennale. On a un volet qu'on appelle la petite Manif. Okay. Puis, ce volet-là, c'est un volet que, en tout cas, moi, j'ai particulièrement à cœur, mais c'est un volet qui est vraiment dédié pour les enfants. Donc, il y a toujours une partie exposition qui est faite pour les enfants avec des activités jeunesse, etc. Et là, on s'est dit, pourquoi pas faire un volet d'art public pour les enfants. Les enfants, quand il fait beau, ils aiment ça jouer dehors, ils aiment ça se balader beaucoup. Donc, on s'est dit, pourquoi pas faire ça, quelque chose pour eux. Puis nous aussi, on avait envie d'être présents dans nos années intercalaires. Ouais. Faut pas croire qu'on s'ennuie, mais on aime ça quand même. On aime ça quand même, faire une petite piqûre de rappel, que les gens se souviennent de nous. Donc c'est ça. Donc, le Jardin d'hiver, que ce soit autant le titre que les œuvres, étaient spécialement pensées et conçues pour les enfants. Mais ce qui est magique, je pourrais dire, ou je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, ce qui est vraiment bien dans ce projet-là, c'est que les parents et même les adultes qui n'ont pas d'enfants peuvent aller voir quand même ce parcours-là. Ils vont avoir toutes les œuvres, c'est des œuvres d'artistes professionnels, c'est des œuvres qui sont quand même faites pour un large public. Donc, les adultes vont avoir leur degré de lecture aussi. Donc, c'est vraiment des lectures à deux niveaux. tout le monde va y trouver leur compte, mais ce qu'on veut, c'est que les enfants, eux, y trouvent leur compte. C'est une belle manière d'introduire l'art dans la vie des enfants, exactement, dans leur culture, surtout que c'est un parcours d'art public, donc oui, c'est gratuit. Tout à fait. C'est 24 heures sur 24, quoi que... Les projections, c'est un petit peu plus tard, mais sinon, les sculptures et les photos vont avoir un système d'éclairage, donc elles vont être visibles aussi le soir. Donc, c'est sûr que si vous baladez dans le Vieux-Québec et dans le Vieux-Port à partir de 5 heures, ben, vous allez avoir droit à des belles projections, ouais, des belles photos, une magnifique sculpture. Donc, c'est vraiment à ça à quoi on a pensé. Surtout qu'au mois de février, on sait, hein, l'hiver, le soir, ouais, tombe assez tôt. Donc, c'est quelque chose qu'on voulait avoir. Puis, on couvre jusqu'au 9 mars. Donc, c'est, oui, 17 février, donc vendredi jusqu'au 9 mars. Et on voulait couvrir la période de la relâche aussi. Bien sûr. Donc, ouais, c'est ça. Ce qui est bien avec un parcours d'art public comme ça, c'est que d'un côté, on peut tomber dessus par hasard. Donc, ça intègre de l'art dans notre vie quotidienne quand on s'y attendait pas. Mais d'un autre côté, un peu à l'inverse, on peut aussi planifier d'aller voir ce parcours-là et, exactement, découvrir la ville en même temps. Exactement. C'est vraiment placé à des points clés. Si je pense au vieux Québec, c'est vraiment pensé à des points clés où on peut vraiment se balader du carré de ville jusqu'au château Frontenac, si on, ouais, veut. Donc, on fait la place Diouville avec Mathieu Labrec et Stépreda. Après, donc, à l'église Saint-Andrews, qui est l'église qui est à côté du Moblin Center et de la Maison de littérature, il y a la sculpture de Pierre et Marie. Et après, ben, on continue un peu plus sur la rue, et la rue m'échappe. Saint-Anne? C'est à côté de la maison Kent, donc c'est vraiment à côté, oui, du château Frontenac. Donc là, c'est ça, on va avoir une belle projection de Diane Obom-Sawin à la maison Kent. Oui, c'est ça. Donc là, tu décris un peu, on a un beau mélange de, exactement, photographie, vidéo, sculpture, etc. Donc là, après, ben, quand on a fait son stop devant la maison Kent, on va voir le château Frontenac, forcément. Ah, ben, je, oui, fais guide touristique dans une autre vie, je sais pas. Et après, de là, on descend dans les quartiers du Vieux-Port. Hein, puis là, juste à côté du musée de la civilisation, donc entre l'auberge Saint-Antoine et le musée de la civilisation, on va avoir deux projections de Élise Simard et de Leilei. Oui. Donc, et un petit peu plus loin, ben là, on continue, on se balade dans le Vieux-Port. On va jusqu'à la gare du Palais. Puis là, on a Dissiper la magie de Pierre et Marie, encore une fois. Ça donne vraiment envie d'aller se mettre dans le vent d'hiver. Tout à fait. Dans le Vieux-Québec. On continue à en parler au retour de la pause audio. Émilie Porakia, merci beaucoup encore une fois d'être avec nous. On se retrouve de l'autre côté de la pause musicale. On écoute toujours le Monster Rally, l'album Adventures on the Floating Island, et c'est la piste Sweet Flower. Il va faire chaud. Il va faire chaud. Myriam Leland, toujours à la barre de l'émission L'aérospatiale avec Émilie Porraquia en studio, directrice des communications et du marketing chez Manif d'art, qui est ici pour nous parler de Jardin d'hiver, qui est un superbe parcours d'art public axé sur les enfants, mais la famille en général, mais on veut vraiment attirer l'œil des enfants. Exactement. Les attirer vers l'art, l'art public. Puis tu nous mentionnais juste avant la pause audio que vous avez commencé à travailler sur ce projet-là en décembre. Tout à fait. C'est très peu de temps. C'est très peu de temps, mais c'est quelque chose qu'on est capable de faire à Manif d'art. Je pense que les gens, nos partenaires financiers le savent. Donc, ils nous donnent des beaux défis et puis on est capable de les relever. D'ailleurs, je tiens au nom de Manif d'art à remercier la Ville de Québec, le Bureau des grands événements, le ministère de la Culture et des Communications, puis la SDC du Vieux-Québec et la SDC du Vieux-Port qui, grâce à eux, on a pu monter ce projet avec six belles œuvres dans l'hiver, en tout cas dans quelques jours. Donc, un grand merci. C'est grâce à des soutiens comme ça qu'on est capable de mettre en place nos aspirations et nos rêves. Puis de mettre de l'avant l'art ici, l'art international. Exactement. Pour tout type de public. Oui, parce que tous nos supports vont être bilingues. Donc, même les touristes qui vont se balader dans le cadre du carnaval. C'est un coin super touristique exactement, en plus. Exactement. Puis nous, à Manif, c'est ça qu'on veut avoir aussi. Oui. Même si on aime nos artistes de Québec, on veut les mettre en avant le plus possible. Oui. Ben, pour cela, il faut que n'importe quel touriste soit capable de comprendre ce qu'il voit puis qu'il puisse interpréter cette affaire. Donc, tous nos supports sont bilingues également. Donc, Manif d'art, c'est une biennale internationale. C'est l'événement en art dans la ville tout de Québec. Fait. Justement, Jardin d'hiver permet d'avoir une présence entre les deux années des expositions principales. Tout à fait. Ça permet que le public ne nous oublie pas. Parce qu'on va être là l'année prochaine, c'est certain. Donc, et vous faites de si belles choses. On est très contents de ne pas vous oublier pendant deux années d'affilée. Puis, tu parlais de si belles œuvres, justement, tantôt. Si belles œuvres, si belles sélections. Il y a des très bons artistes, des très belles œuvres que vous avez sélectionnées. Tout à fait, oui. Ben, on a essayé d'être variés aussi dans les choix artistiques. Ouais. Donc, par exemple, on va revenir un petit peu au Carré d'Ouville. On va avoir des illustrations variées de Mathieu Labrec et Esté Préda. Donc, on a voulu les mettre l'un avec l'autre. C'est très coloré, très cartoon. Exactement. Les deux sont très colorés. Ils ont un hiver différent, mais ils se parlent assez bien les uns avec les autres. Donc, on trouve que ça a été vraiment un bon choix. Puis les artistes étaient vraiment contents d'être ensemble. Donc, ça, c'est pour la place d'Youville. Ensuite, on a donc Vertige et autres douceurs de Pierre et Marie. Donc, c'est le superbe cœur scintillant. Spécifiquement pour Jardin d'hiver. Exactement, qui a été fait spécifiquement pour Jardin d'hiver et qui a été installé aujourd'hui. Donc, petit teaser, s'il y en a qui se baladent dans le Vieux-Québec, on va être capable de les voir un petit peu. Ensuite, on a la forêt de Diane Obomsawin. Oui. Donc, c'est encore une fois, si on laisse partir notre imagination, elle a pris vraiment l'imagination de chacun dans les rêves. Puis, on voit un petit peu tout ce qui peut passer, ce qui peut aller. Ça peut être très doux. C'est un projet qu'on avait vu à la bande vidéo il y a quelques années. Oui. Exactement. Ah, oui, très ludique, très pleine surprise. Exactement. C'est ça part très doux, puis à un moment donné, on est surpris, on peut rire. Mais je crois que c'était un peu, de ce que j'ai lu, c'était un peu la volonté de l'artiste, de Diane Obomsawin, de recréer ce genre de fascination-là qu'on a dans la forêt, d'être surpris, d'être apaisé, d'avoir ce mélange d'émotions-là. Tout à fait. Il y a des petits bouts dans l'animation où on ne s'attend pas, il y a des petits bouts sonores. Non, c'est vraiment assez le fun. On peut rire à ce moment-là. Donc, c'est vraiment très... c'est apaisant en même temps, en tout cas. Il y a quelque chose. Ensuite, on retrouve Dissiper la magie de Pierre et Marie, donc avec trois belles photographies où on voit des guimauves prendre feu. Donc, ça donne envie de se faire des s'mores sur le bord du... Les stations chaleureuses. Oui, exactement. Oui. On y a tous pensé. Apportez vos guimauves. Oui, oui, c'est pas dit qu'à un moment donné, on puisse pas le faire. Là, on a jusqu'au 9 mars pour y penser puis surveiller un peu les communications. Et puis après, ben, c'est ça, on a deux films d'animation qui est Magic Cube et Ping Pong de Lei Lei. Hein. Ça a l'air très coloré. C'est très coloré, c'est très ludique. Quasi psychédélique. Un peu psychédélique. Oui, effectivement, psychédélique. Puis je pense que les gens des années, qui sont nés dans les années 80, qui ont fait 80-90, il va y avoir beaucoup de référents. En tout cas, moi, j'ai vu beaucoup de référents dans les jeux vidéo, un peu musicaux. Donc, il y a... Ben, déjà, le cube Rubik, c'est assez années 80. Oh, oui. Mais ceux qui ont joué à Mario sur la Super Nintendo vont avoir quelque chose qui va venir les éveiller, ça c'est donc sûr. Donc on éveille le cœur d'enfants, des adultes. Exactement. Aussi. C'est les exactement. Enfants de tous âges. Exactement. Qu'on veut rejoindre. Oui, oui, moi je dis de 5 à 99 ans, venez aller voir, ça va être magique. Puis on finit avec La traversée d'Élise Simard, qui est un petit peu plus onirique, avec son part du côté, avec son compare avec Magic Cube et Ping Pong, qui sont présentés sur le même surface de. Projeté sur le même mur. Et c'est sur une mélodie de Claude Debussy. Mais là, il y a quelque chose qui vient nous chercher, qui vient encore frapper l'imaginaire. Il y a quelque chose qui se passe aussi avec C'est pour faire des beaux rêves pendant l'heure de la sieste. C'est plus apaisant. Oui, il y a quelque chose, c'est ça. Il y a quelque chose qui est quand même... c'est pareil, on explore une forêt. Il y a des silhouettes d'animaux, des végétaux. Il y a quelque chose qui vient chercher. Mais effectivement, tu parlais de réveiller le cœur des enfants. Oui. Ça va être ça. En faisant le parcours, le jardin d'hiver, les parents vont retrouver leur cœur d'enfant, c'est sûr. Mm-hmm. Puis après, ça peut faire un beau dialogue avec les enfants par la oui, suite. Oui, exact. Moi, j'ai testé certaines de mes œuvres avec j'allais ma fille. J'allais te demander ça justement, oui. si ça a été testé et approuvé par ta famille. Ben, je ne sais pas si c'était approuvé, là, jusqu'à quel point ça valide la chose. Mais non, c'est ça, ma fille est venue avec moi, puis j'ai montré quelques œuvres, puis j'ai vu sa réaction. Mais d'un autre côté, elle est habituée à voir des arts visuels aussi, mais, oui, mais même quand on n'est pas habituée. Une maman comme toi. Ben, c'est ça. Je la traîne avec moi, mais faut pas avoir peur. Même ceux qui sont pas habitués à aller voir des œuvres d'art, ça va venir leur chercher, c'est certain. C'est très coloré, c'est très ludique, c'est très lumineux. C'est très facile d'approche. Exactement. Des images que j'ai vues, c'est quelque chose qui a des. Ce sont toutes des œuvres en fait qui tire des référents dans la culture populaire, comme tu le mentionnais, par exemple, avec la vidéo de Lei Lei. Exactement, puis t'es pas obligé d'être un initié aux arts visuels pour comprendre ces œuvres et pour ressentir des émotions à ces œuvres. Puis c'est ça que je trouve très intéressante avec Jardin d'hiver, c'est que ça parle vraiment à tout le monde. Même si on l'a pensé pour des enfants, parce qu'on veut les initier aux arts visuels, mais... Quelqu'un qui se balade et qui tombe sur ces œuvres-là, c'est sûr qu'il va avoir une interpellation quelque part qui va se faire. Puis après, ça lui permet de pousser la porte d'un centre d'artiste, pousser la porte d'un musée. Ben, on a gagné notre pari. Oui, ben vraiment. Ben je crois que ce sont vraiment des œuvres qui ont été sélectionnées pour ça, justement, d'être facile d'approche, puis de pas avoir besoin d'un background en art visuel, puis d'être capable de très bien les apprécier, même sans un bagage théorique, par exemple. Tout à fait. Puis ceux qui ont un bagage théorique vont avoir d'autres clés de lecture et donc ils vont y trouver leur compte aussi, parce que c'est sûr qu'on a un public à Manif d'art qui nous suit d'année en année. Puis, oui. Fidèlement. Exactement, puis on a envie de leur faire plaisir aussi avec nos expositions. Donc, donc voilà, Jardin d'hiver qui commence vendredi. Moi, j'ai une question. Vas-y. Est-ce qu'il y a un lancement, une inauguration, un vernissage vendredi? Non, il y a quelque chose qui se passe d'un peu plus juste entre nous, je dirais, mais non, on n'a pas eu le temps, comme tu... Ben oui. Ça s'est tellement fait de manière très rapide qu'on n'a pas vraiment eu le temps d'organiser quoi. Puis en plus, ça commence en même temps que le carnaval. Ah, bon. Donc, on s'est dit, bon, on ne va pas faire de l'ombre au carnaval. Non, je peux avoir déjà être la fête. J'ai osé le dire en nom de mon Dieu. Mais, non, il va y avoir les grandes festivités du carnaval de Québec. Donc, on passe ça un petit peu plus tranquille cette fois-ci. Mais justement, les gens qui vont aller voir le carnaval, juste avant le défilé du samedi, bah, arrêtez voir les œuvres. Ça va le faire. Pour ça nous, donne envie content. De jouer dehors. Ben oui, il faut. On a un bel hiver pour l'instant. Profitez-en. Oui. Mais on prend une pause musicale. Oui, tout à fait. Donc, toujours Monster Rally. Oui, avec le titre Spirit Guide, toujours un extrait de l'album Adventures on the Floating Island, une suggestion de Simon Roy. Ben, merci beaucoup, Émilie Porakia, d'avoir été avec nous. Donc, rapidement, Jardin d'hiver du 7 février au 9 mars, un peu partout dans les quartiers historiques Exactement. De Québec. Exactement. Visitez notre site Internet, vous allez voir toutes les informations. Merci. Merci. Comme ça fait du bien, un peu de chaleur en musique comme ça, Myriam Leland. C'est doux, gentil, en la France. Et de l'action aussi cette semaine, beaucoup d'action. Ben, c'est le mois multi condensé. On a 5 jours d'activité assez avec intense. Avec presque autant d'activités qu'un mois multi qui dure un mois. Oui, exact. Et puis, ben, c'est ce soir que ça se passe. Là. Si vous n'y êtes pas, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. Nous, on y est pas. Ils nous écoutent, gentil, franchement, il ne faut pas manquer l'aérospatial. Donc, une belle ouverture festive pour le mois multi ce soir. Ça se passe dans le hall de Méduse. Il y a également l'opportunité d'assister au spectacle Licra du Théâtre de l'Impie, donc soit ce soir à 21h30 et demain également à 21h30. C'est en Gramme. Et puis, c'est l'ouverture de l'exposition de l'École d'aviation de Diane Landry, cette œuvre mythique qu'on peut revoir à l'œil de poisson. Également à la Maison de la littérature, il va y avoir la chemise de Franck O'Hara qui débute ce soir. Et c'est aussi le vernissage du show sur l'effondrement qui n'aura pas lieu du bureau de l'APA. Ce soir, vous pourrez également voir le spectacle Youngness à la salle Multi. C'est de 20h. Oui, à partir de 20h. Et en marge du mois Multi, mais à l'œil de poisson, dans la petite galerie, une expo d'Émilie Bernard. On va sûrement demander à Émilie de venir en parler avec nous à l'émission La fin des sentiers. Donc, j'ai très hâte de voir le très beau travail d'Émilie, qu'on est toujours... Oui, c'est ça, Émilie, pour Akia, me fait des signes en arrière. Elle travaille à Méduse, donc on elle a tout en primeur. Jeudi aussi, grosse journée, donc on a Julien Lebarger qui fait une présentation de résidence à la Chambre Blanche à 17h. C'est le finissage de Léa Moison, qu'on n'a pas réussi à avoir à l'émission, à Espace Parenthèse, donc de son exposition 10 rue Georges Sand, et c'est à 17h30. Il y a également une rencontre à Critérium du Design Speed Dating à 18h. Et il va y avoir une rencontre sur la place de l'art dans nos vies. C'est au mot de tasse, à 19h, jeudi toujours. Et vendredi, pour le mois multi, il y a la présentation de Pac-Man chez Thibaudot Métal dans un conteneur. Donc, ce projet de Belgique qui a l'air assez fabuleux. Merci. Donc, 3 présentations par jour. Vendredi, 10h, 15h et 19h. Et c'est la même chose pour samedi, donc au 325 rue Lallemand. Il y a Bébé Fontaine aussi qui va être présenté vendredi et samedi à la salle Multi. Il y a une rencontre également avec l'artiste Rosalie Desgagnés qu'on a reçue ici à l'émission. Ça se passe au Grand Théâtre vendredi à 17h. Il y a également le vernissage de l'exposition Femmes de Joe Leblanc au Saint-Suave Librairie Café à Saint-Sauveur à 17h. Du côté de Lévis, un vernissage double pour Fanny Hénon-Lévy et Léopold Morneau qui présentent les prix Regard à Regard Centre d'artistes en art actuel. Ça commence à 18h. Et il va y avoir également le show sur l'effondrement qui n'aura pas lieu, qui est complet, à vue, et un spectacle de Chet Doxa en lien avec le groupe des 7, Tom Thompson et Emily Carr, qui va être présenté au Musée national des Beaux-Arts vendredi toujours à 20h. Samedi, un colloque, si on veut, ou une conférence sur l'art durable avec Daniel Danis dans le cadre du mois multi. Ça va se passer chez Engram, donc samedi à partir de 10h et dimanche à partir de 13h30. Il va y avoir également une rencontre avec Jean-François Côté à la Chambre Blanche à 13h, et Jeanne Couture également, je crois, et le spectacle de Chimouchouminouchou. J'ai réussi à la Maison de la danse à 17h, également dans le cadre du mois multi, Sound and of Mind and Body à Méduse. Et c'est la dernière semaine pour aller voir l'expo de Léa Moisan, l'expo de Wartin Pantois à Bordé, banc d'essai à Galerie des arts visuels et International Factice au lieu. CKRL. Communication. C'est déjà tout pour nous avec l'aérospatial. Pierre Blais qui s'en vient en studio pour Situation Critique. De quoi nous parles-tu, Pierre? 5 films à l'horaire aujourd'hui. 5? Oui, avec 3 chroniqueurs. En fait, 1 chroniqueur, 2 chroniqueuses. Donc, 4 films québécois. Ouh! Oui, un entre autres avec des pénis qui éjaculent. Ah, génial. Oui, merveilleux. Oui, ça parle de cirque, mais aussi de... Enfin. Écoute-nous en visuel. Les enfants sont couchés. Les enfants sont couchés. Bon. Et l'autre, sur l'hypersensibilité environnementale. Ah! OK, c'est des sujets qui sont quand même très...